Chapitre 24e. Spasmophilie. Il y a des fois comme ça où il vaudrait mieux rester couché toute la journée et attendre sagement le lendemain. Aujourd'hui a été une journée que je voudrais plus tard zapper de ma vie. En arrivant au commissariat, gros émoi. Tout le monde me dévisage, et un de mes adjoints secoue même sa main ouverte pour signifier que c'est grave. Je suis convoqué par l'adjudant de gendarmerie, toute affaire cessante. Ils ont trouvé quelque chose ? Je demande, intrigué. Bah plutôt. Mais assieds-toi d'abord, et après je t'explique. Promets-moi de ne pas t'énerver et de garder ton calme. Allez, accouche. La gendarmerie du salon a reçu une lettre à l'intérieur de laquelle il y avait une photo et un mot. La photo représente une bagnole dans le décor, portière ouverte. Au volant, il y a un mort, la tête couverte de sang, affalée sur le volant. Qu'est-ce que c'est ? Un accident de la route ? Eh non, malheureusement. Le type est reconnaissable sur la photo, c'est Vergneux. Ils n'ont pas pu nous la transmettre, cette photo, car leur télécopieur n'est pas assez performant. Mais regarde le mot qui était dans l'enveloppe avec la photo. Et Michaud me tend le texte télécopié. Il a eu la peau de Vergneux comme il a eu celle de Guelmar. Qu'est-ce que vous attendez pour coffrer ce Bolpi ? Il vous faut d'autres preuves. Vous devriez un peu chercher du côté de la guerre d'Algérie et demander à Bolpi comment est morte sa femme. Vous aurez la solution du problème. Ne cherchez pas la bagnole et le corps, il les a fait disparaître. J'ai pu prendre la photo avant que ce fumier ne s'en débarrasse. Un bon journaliste est toujours là où il faut. Cette fois, il ne s'en tirera pas comme ça. Je transmets la photo aux journaux. Signé, un ami de Vergneux qui veut que justice soit faite. Je dois être blême, vu l'air alarmé qu'a Michaud. Ce que je redoutais tant arrive. Tout va être étalé au grand jour et j'entrevois une montagne d'emmerdement. Je ne peux rien dire. Je me balance sur ma chaise et regarde fixement le mur. Ma main droite commence à être agitée d'un léger tremblement. Ma jambe gauche suit. Puis mon plexus se bloque et la sensation d'étouffement est intolérable. Bientôt, tout mon corps tremble et s'agite de soubresauts désordonnés. Michaud se précipite derrière mon bureau et ouvre tous les tiroirs comme un fou. Il finit par mettre la main sur un tube de cachet m'en présentant au bord des lèvres. Je ressens une profonde détresse en même temps qu'une reconnaissance infinie pour le geste de Serge. Michaud va fermer la porte du bureau à clé et revient s'asseoir sur mon bureau. Il me prend la main et me parle doucement. « Ça va passer. T'inquiète pas. Essaie de te calmer. Je sais ce que c'est. Ma mère avait des crises comme ça. Essaie de respirer dans tes mains pour inhaler ta propre respiration. Après, j'irai te chercher à boire. » 5 minutes se passent encore dans le calme et le silence. Progressivement, mes tremblements s'espacent. Michaud met la main sur mon épaule. « Allez, Gino. Je ne vais pas te laisser tomber. On va les avoir, ces salauds. Tu vois, heureusement que tu avais raconté toute la vérité au juge. En dernier lieu, c'est lui qui va décider. Ça va être dur, mais on doit pouvoir y arriver. Si tu veux, je t'amènerai à la gendarmerie. Merci Serge, tu es gentil, mais une fois que c'est passé, j'en ai pour un moment à être tranquille, heureusement. Qu'est-ce qui a pu me faire un coup pareil ? Tu crois que c'est le rouge ? Il n'a aucune raison de m'en vouloir. On a toujours été réglo l'un vis-à-vis de l'autre. Écoute, je vais aller avec toi et dans la voiture, on va dresser une stratégie de défense pour l'adjudant. Parce que, comme je le connais, il doit déjà avoir une hypothèse. Et il va tout faire pour que les faits y correspondent, même avec un gros chausse-pied. En tout cas, dégain un interme gonflé, parce que ça va partir dans les grandes largeurs, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois que ça va mieux. Dès la sortie d'Aix, la discussion s'engage entre nous. Il faut essayer de trouver les failles de ce coup tordu, et il y en a certainement. Je tiens le texte télécopié entre mes mains. Si c'est un journaliste, pourquoi ne l'a-t-il pas déjà écrit, son article ? Il était sûr de faire un gros tirage et de toucher le jackpot, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, c'est sûr, dit Michaud en me regardant en coin. Regarde la route, fan de pétain. Il ne manquerait plus qu'on se plante, tiens. Attends, Gino. Qui d'autre, à part toi, le juge et moi, est au courant de cette affaire d'Algérie et de l'assassinat de ta femme ? Il y avait Guelmar, Vergneux et Mertens. Mais pour l'assassinat de ma femme, Mertens n'est peut-être pas au courant. Il n'y avait donc que Guelmar et Vergneux. Et puis bien sûr, Rougeau qui sait tout. Et ta copine Sylvia, tu ne l'avais pas mise au courant ? Qu'est-ce que tu peux être con des fois ? Bien sûr qu'elle sait tout, de A à Z. Guelmar est mort, alors il ne reste que Vergneux. Mais Vergneux aussi est clamsé, enfin, peut-être. Après tout, une photo, ça ne prouve rien. Il faudrait donc que Vergneux ait mis au courant une tierce personne. Ok, mais qui l'a descendu ? Rougeau avait bien envie de le voir disparaître de la circulation, et comme d'après la lettre le corps a disparu, ça pourrait ressembler à sa méthode. Mais pourquoi cherchera-t-il à te faire porter le chapeau ? Si Vernieu avait été effacé par un sbire du rouge, ça n'aurait pas fait plus de vagues qu'une plume qui tombe dans l'eau. Non. On a beau tourner et virer, c'est petit comme méthode. Ça sent le foireux à plein nez. Oui, c'est bien mon avis. Ce qui m'embête là-dedans, c'est Mertens. Pourquoi me faire un coup aussi tordu, alors que je l'avais prévenu de se méfier? Ah, je n'étais pas au courant. Et je lui explique le petit billet que j'ai glissé sous l'oreille de Mertens. Et un affaire, hein? Tu ne peux pas t'empêcher de faire des coups en douce. C'est bien italien, ça. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis sûr qu'il n'est pour rien dans tous les coups qui me sont portés. Par contre, il aurait buté Gelmar, que ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce que tu vas raconter à l'adjudant? Écoute, je vais le laisser venir. Je vais faire l'abruti pour essayer d'apprendre tout ce qu'il peut savoir sur l'affaire. Après, j'aviserai. Je lui dirai une grosse partie de la vérité. Tout dépend du genre du bonhomme. Et avant toute chose, je veux voir cette photo. Et je te prie de croire que je vais la regarder. Asseyez-vous, me dit d'un air un peu amène un maréchal des logis chef. Nom et prénom, s'il vous plaît. Je m'assois et fais un gros effort pour garder mon calme. Il apparaît évident qu'on va me titiller un peu, histoire de me ramollir un peu et de m'humilier surtout. Volpi, Gino Giuseppe. Né le 3 novembre 1940 à Marseille. Domicilié, ferme la Renaude, Fontourette, commune de Saint-Cana. Bien. Volpi, vous êtes prévenu dans une affaire de meurtre sur la personne d'André Vernieu. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Mis à part que j'aimerais que vous m'appeliez commissaire Volpi. L'adjudantelier m'a convoqué, j'attends donc de voir l'adjudantelier. Ne vous inquiétez pas, il va vous recevoir. J'ai pour tâche d'ouvrir votre dossier, simplement. C'est déjà bien parti, je me dis. Quelle ambiance, ça promet. Au fond du bureau, une porte s'ouvre et un gradé de gendarmerie, jeune et rigide, apparaît dans l'encadrement. « Ça va, » fait-il à son subordonné. « Entrez, je vous prie. » Il me fait pénétrer dans un local assez petit, nu et froid, meublé d'un bureau et d'une armoire. Au mur, un anneau est scellé dans le mur pour attacher les menottes. « Asseyez-vous, commissaire. Vous avez été mis en cause dans l'assassinat présumé du dénommé André Vernieu. Vous avez dû lire la lettre qui vous dénonce comme étant l'assassin. Est-ce que je pourrais voir la photo? Commissaire, ici c'est moi qui pose les questions. Comment avez-vous connu André Vernieu? Je l'ai connu en Algérie en 1960. Quelles étaient vos relations? Ça y est, je sens que je pète un plomb. Écoutez, mon adjudant, si vous continuez avec cette méthode, nous en aurons pour la vie des rats. Si je me contente de répondre à vos questions, vous n'apprendrez pas grand-chose. Parce que vous ne poserez certainement pas toutes les questions qui vous permettront d'éclaircir l'affaire. C'est mathématique. Je n'ai pas l'intention de vous cacher quoi que ce soit, alors. Vous vous foutez de moi, là? Absolument pas. Je vous propose de tout vous raconter depuis le début, comme je l'ai d'ailleurs fait avec le juge d'instruction qui est au courant de toute l'affaire. Quand j'aurai terminé, vous me pourrez me poser toutes les questions sur les points qui vous paraîtront obscurs. Nous sommes d'accord. L'adjudant farfouille dans ses papiers, histoire de se donner le temps de la réflexion. Allez-y, je vous écoute. Je retrace toute l'affaire depuis le passage à tabac de Mertens, la condamnation des deux sergents, l'assassinat de ma femme et de mon gosse, le meurtre de Gelmar, les tentatives d'assassinat de Vernieu sur ma personne, mon entrevue avec Roger le Rouge. Au fur et à mesure, l'adjudant prend des notes, souligne des noms, sans poser une seule question. Je termine enfin mon récit. L'important est maintenant de découvrir qui va me faire porter le chapeau et si effectivement il y a eu crime. Puis-je voir la photo? Le gendarme me tend le document avec une pince à linge. « Vous avez des gants ?» Je demande avant de saisir la photo. Le lieutenant sourit. « Ça ne va pas être facile avec vous. Vous êtes un partenaire de choix. Vous avez remarqué que je dis partenaire et non adversaire. Prenez la pince à linge. » Je me détends et scrute la photo attentivement. Il s'agit d'un polaroïde noir et blanc. « Vous permettez que je fasse des commentaires à haute voix ?»« Bien volontiers, » répond l'adjudant. D'abord, je doute qu'un photographe professionnel travaille avec un polaroïde, format amateur. C'est pertinent, reprend l'adjudant. Ensuite, l'avant de la voiture est simplement enfoncé dans un fourré, ce qui ne signifie aucunement qu'elle est accidentée. Elle a pu être positionnée ainsi par son chauffeur, donc elle peut repartir sans problème. Vraisemblable, dit l'adjudant. C'est tout de même bizarre qu'un journaliste passe par là, par hasard, sans tenter de porter secours à la victime. Un vrai journaliste aurait fait tout un tintouin sur son rôle dans l'affaire, et ce serait complètement foutu de savoir qui avait commis le crime. Il aurait au contraire échafaudé les hypothèses les plus romanesques les unes que les autres. Vous ne croyez pas? L'adjudant a toujours son sourire au coin des lèvres et acquiesce de la tête. Le billet ne dit pas comment est mort Vernieu. Une balle dans la tête, une fracture du crâne, On voit du sang sur la tête, mais en noir et blanc. Ça peut tout aussi bien être du ketchup. Continuez, continuez, fait l'adjudant. Tout cela m'a l'air méchamment bidonné, et en plus, ça va vite. Et alors, votre conclusion? Il n'y en a qu'un, assez tordu pour monter une embrouille aussi merdique, c'est Vergniaud lui-même. Il n'est pas mort, ce salaud, j'y mettrai ma tête à couper. Il y a tout de même quelqu'un qui a pris la photo, vous ne croyez pas? Certes, mais je reconnais la voiture. Je suis sûr que c'est la déesse qui a emprunté Vergniaud à un nommé San Lucas. Voiture volée, mon cher commissaire, volée et maquillée, fausse carte grise, nous le savons. Vous voyez, les forces de police et de gendarmerie sont une grande famille. Voilà. Je vous ai raconté toute l'affaire. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Commissaire, si vous m'aviez laissé continuer au début, vous auriez grandement économisé votre salive. Vous allez voir. L'adjudant sort de son bureau deux autres photos qui représentent la même scène. Ce sont les photos que nous avons saisies au Provençal et au Méridional. Ce ne sont pas des copies de la photo que vous avez vue, puisque ce sont des Polaroïdes, mais deux autres clichés. Regardez-les attentivement. Une des deux photos était prise sous le même angle que celle que j'avais vue. L'autre était prise depuis la portière droite de la voiture. Je me mets à comparer les trois clichés. « Vous ne remarquez rien ?» demande l'adjudant d'un air ingénu. « Si, la position de la main gauche par rapport au volant n'est pas la même sur les deux premières photos. Et sur celle prise à droite du véhicule, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé. Regardez la branche du volant. » Je constate effectivement que le volant était déplacé par rapport aux deux autres photos. « Vous voyez, commissaire ?» Tout ceci accrédite la thèse que le mort a posée, ou qu'on l'a déplacé comme une poupée, si toutefois il était bien mort. J'écarquille les yeux. Je reconnais honnêtement que l'adjudant m'a bluffé sur toute la ligne. Vous voyez, commissaire, c'est sur ces points-là que je comptais vous poser les premières questions. Mais vous avez bien fait de me raconter toute l'histoire. Ça me permettra de ne pas passer pour un niais auprès du juge. Je compte lui soumettre mes observations concernant les photos en même temps qu'un rapport succinct de notre audition. Je m'en veux à mort. Je me suis comporté comme un con prétentieux. Rien ne prouve que Tellier aurait mené l'interrogatoire effectivement comme il le prétend, mais en tout cas, il se mâche et emporte le set de manière imparable. Mais alors, quelles sont vos conclusions, mon adjudant? Les mêmes que les vôtres. Ce sont des photos bidonnées, et je suis presque persuadé que l'auteur n'est autre que Vergniaud lui-même. Par contre, je voudrais bien savoir quel est le complice qui a pris les photos. Eh bien, j'hésite. Il est possible que ce soit Mertens dont je vous ai parlé, mais cela ne correspond pas à l'affaire d'Algérie, ou bien San Lucas qui a prêté la voiture. En tout cas, il faut mettre tous nos efforts pour retrouver ces déesses. L'avis de recherche concernant Vergniaud tient toujours, avec en plus maintenant celui de San Lucas.